T'as tout mis à l'envers, la feuille, la narcose. T'as voulu tout mettre de travers, la tristesse, le pardon. Exigu, exigu, exigu, exigu, exigu, exigu, exigu, exigu, exigu, exigu, exigu, exigu. Comporte des fonctions de l'enfance à la vieillesse, apporte le dépourvu. T'as tout mis à l'envers. Exigu dans l'or, dans l'or, exigu dans l'or, dans l'or, exigu dans l'or, dans l'or, exigu dans l'or, dans l'or. Deviens un point à défaut de penser. Retrouve la correspondance, deviens un autre si possible. Exigu dans l'ignorance, exigu dans l'ignorance, exigu dans l'ignorance, exigu dans l'ignorance. T'as tout, t'as tout mis, t'as tout, t'as tout mis, t'as tout, t'as tout mis. T'as tout mis. T'as tout mis.